Oui. Voilà. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette série que nous avons. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Vous m'entendez là ? Tout le monde m'entend ? Voilà. Cette série sur donc le thème du fanatisme que nous avons abordé de plusieurs manières, sous plusieurs angles, avec plusieurs intervenants différents, et même, pourrait-on dire, dans plusieurs lieux, puisque la fois précédente, nous sommes délocalisés et puis nous sommes revenus ici pour terminer. Alors, l'ambition de la réunion de ce soir n'est évidemment pas de conclure un sujet qui est extraordinairement vaste et dont on pourrait parler pendant des mois et des mois, mais quand même il faut s'arrêter au bout d'un moment. Et nous voudrions ce soir nous poser la question qui est la suivante. Après les différents constats qui ont été posés, qui sont quand même alarmants, c'est vrai qu'on traverse une période où les fanatismes, qu'ils soient religieux, politiques ou autres, se portent bien. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut infléchir ces tendances lourdes de notre époque, étant entendu que, vraisemblablement, comme on vous l'a signalé dans la petite invitation que vous avez reçue, il n'y aura pas de réponse clé en main, évidemment. C'est un phénomène qui est trop complexe et peut-être dont soi-même, parfois, on participe, peut-être même quelquefois à son insu, pour pouvoir avoir des réponses simples. Si les réponses simples existaient, on les aurait appliquées déjà depuis longtemps. Mais peut-être y a-t-il des réponses personnelles qui appartiennent à chacun, ou plus exactement, une attitude. Peut-être une attitude à trouver en face de ça, et en espérant, c'est un peu utopique, mais c'est aussi la fonction d'un plateau comme Racine et Source, de ne jamais perdre complètement le contact avec les utopies qui sont nécessaires, en espérant que peut-être, si ça commence par chacun de nous, on pourra faire un petit peu reculer ça. Voilà. Et c'est ce dont nous voudrions débattre ce soir. Alors, pour nourrir, amorcer notre discussion, nous avons demandé à M. Reda Benkiram de bien vouloir participer, ce qu'il a accepté très volontiers, et on l'en remercie. Je le présente en quelques mots. Reda Benkiram est sociologue de formation. Il est chercheur associé au centre Jacques Berck de Rabat. Il est également membre de l'Institut de recherche philosophique de l'Université de Lyon. Et alors, on lui a, au fond, demandé de venir et d'apporter sa réflexion pour ouvrir, féconder la nôtre. Et lorsque je dis la nôtre, c'est bien sûr celle du grand rabbin Gatch, de moi-même, mais aussi de la vôtre, puisque vous le savez, nous aurons un temps de partage et d'échange que j'espère suffisant après, mais tout d'abord, je vais passer la parole à notre invité qui va nous introduire à la réflexion de ce soir. Merci de m'avoir invité à participer. Je suis très heureux d'être au milieu d'amis. Nous sommes entre amis, à la fois à la librairie arabe où j'ai passé énormément de temps durant ma jeunesse, l'accès aux livres et le lien avec le monde arabe depuis Genève, et puis au sein du Café Sagesse. Je me rappelle qu'il y a maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années que je fréquente la cellule de recherche interreligieuse, et donc ça a été pour moi l'occasion aussi de rencontres, d'amitié, d'échanges de fond sur des sujets difficiles où nous avons probablement des positionnements différents quant à des réalités politiques au Moyen-Orient ou ailleurs. Mais il y a eu toujours, ce que j'ai beaucoup aimé chez Marc-Raphaël Gatch, c'est qu'il y a toujours la possibilité de s'écoute, de parler en toute liberté, en toute franchise, et une capacité d'écoute et de se projeter dans la peau de l'autre. Et donc, voilà, c'est pas la première fois que j'interviens au Café Sagesse. Je n'ai pas eu l'occasion de participer aux trois séances que vous avez eues, j'imagine, par d'éminents spécialistes. Bon, la tâche est peut-être un peu délicate de nouer la gerbe, comme tu disais, Marc-Raphaël. Comme c'est une discussion assez ouverte, moi je vais parler de certains retours d'expérience depuis 20 ans ou 25 ans dans différents terrains sociologiques. Évidemment, bon, il faut aussi que je dise d'où je parle, évidemment. Moi, je suis un produit genevois, donc c'est vrai que... Mais je suis marocain et suisse, donc si vous voulez, j'ai toute ma vie vécu dans différents pays, notamment du monde arabe, mais j'ai toujours eu aussi ce lien avec la Genève comme post-observatoire. Il faut reconnaître aussi qu'on est un petit peu à Genève plus avantagé par rapport à d'autres régions européennes pour traiter de ces questions de fanatisme, de radicalisme, probablement parce que aussi il y a une tradition religieuse qui a dû passer aussi par des phénomènes aussi de dogmatisme. Bon, les débuts du calvinisme n'étaient pas aussi très ouverts. Il y a eu aussi beaucoup de violence, beaucoup d'autorité, beaucoup de restrictions, mais aussi une tradition qui s'est développée par la suite, et puis aussi la vocation humanitaire. Donc je pense que nous sommes bien avantagés du point de vue du post-observatoire à Genève. Nous avons une certaine distance. Il n'y a pas un rapport colonial au monde. Donc ça permet aussi d'avoir une certaine ouverture et une possibilité de voir les choses avec un peu plus de recul. Évidemment, dans mon intervention, je ne prétends pas pouvoir apporter une réponse à cette question, comment sortir du fanatisme ou comment régler la question du fanatisme. Mais ce que je propose dans mon intervention, c'est d'évoquer peut-être comment moi j'ai évité de basculer dans le fanatisme. Donc évoquer peut-être mon histoire de vie personnelle et puis peut-être la rattacher à une histoire sociopolitique que nous connaissons tous. Et puis, eu égard au développement récent qu'il y a eu au sud de la Méditerranée, de vous présenter un petit peu une action que j'initie avec d'autres personnes en Suisse, pour traiter entre autres de cette question. Donc je parlerai du projet qui m'occupe actuellement et dont c'est essentiellement un atelier de recherche sur l'islam, sur une pensée libre et créatrice en islam. Et une des premières traductions de cet atelier de recherche, ça va être un colloque international qui va avoir lieu le 6, 7 et 8 juin, donc qui se tiendra à l'Institut des hautes études internationales et du développement, avec une vingtaine de participants qui vont spécialement focaliser sur la religion, les relations entre religion et État, entre la question de la sécularisation, de la citoyenneté en islam. Et je crois que nous allons... Ce colloque promet d'être une contribution significative dans le sens où les participants sont peu connus en Occident et nous avons vraiment des gens qui sont des réformateurs majeurs de la pensée religieuse en islam et d'autres aussi, des nouvelles générations. Donc c'est un peu ce qui m'occupe, disons, actuellement et je pense que c'est une manière de traiter la question. Quand j'ai dit que j'étais moi-même, peut-être j'aurais pu basculer dans une forme de fanatisme, je dois préciser que le mot fanatisme, pour moi, c'est un symptôme, c'est pas la crise, c'est pas le mal principal de ce siècle, c'est juste un symptôme d'une crise beaucoup plus profonde. Il y a toujours eu des phénomènes de fanatisme. Ils sont plus importants actuellement dans différentes religions. Moi, je parle depuis le plan du monde, du rapport au monde arabe et arabo-musulman. Je pourrais, si j'étais juif ou israélien, évidemment traiter la question de manière aussi aussi détaillée et aussi vivace, ou bien si j'étais aussi, disons, chrétien évangélique, je pourrais aussi voir les choses, ce qui se passe aussi en Amérique du Nord. Donc, je pense que vous avez évoqué ces questions de transversalité du phénomène. Je ne vais pas y revenir. Mais pour moi, si vous voulez, le fanatisme n'est pas quelque chose de, qu'il faut singulariser par rapport, pour moi, par rapport au... C'est en relation avec le radicalisme, avec le dogmatisme. Il y a des différences d'intensité, mais je ne dirais pas de nature. Je veux dire qu'aujourd'hui, le mot désigne une connotation religieuse, mais il faut quand même garder, raison garder et se rappeler que, disons, la violence la plus spectaculaire, la plus massive, la plus barbare qui a eu lieu, c'était au sortir du siècle dernier, et que les religions n'étaient pas du tout impliquées, que c'était le nationalisme. Le nationalisme a généré deux guerres mondiales et des dizaines de millions de morts. Donc, moi, je suis assez prudent quand on désigne le religieux comme principale cause de... Je pense que c'est plutôt un symptôme d'un mal plus profond. Et puis, il y a différentes formes aussi de fanatisme. Je peux très bien vous affirmer et vous faire une démonstration que la première croyance collective sur la surface de cette Terre, c'est pas du tout... une religion, la croyance d'une religion particulière, spirituelle, mais c'est la croyance en la théologie du marché. Un capitalisme, et une marchandisation, une économie libérale qui s'est étendue à l'ensemble du planète, qui pose vraiment de graves problèmes. Il y a un ouvrage de l'ancien de Stiglitz, l'ancien conseiller de Clinton, prix Nobel d'économie, dont le sous-titre était « Contre le fanatisme du marché ». Donc nous avons aussi différentes formes et personne ne remet en cause des formes de dictature qui mettent des pays entiers par terre. Donc je verrai, il y a évidemment beaucoup de causes aux questions de fanatisme, mais encore une fois, je relis ça à quelque chose d'idéologique, à une pensée fermée, à quelque chose qui est en boucle, et qui fait agir souvent les individus comme des agents, comme une forme d'agent qui, pour parler un mot, pour utiliser un vocable un peu dur, de bétail cognitif. Et là encore, il n'y a pas que la religion qui instrumentalise les individus. Nous sommes nous-mêmes soumis à toutes sortes d'injonctions à travers des médias de masse qui sont aussi des médias d'abrutissement. Enfin, on parle de destruction, outils de armes de destruction ou de distraction massive. Et on a parlé aussi justement faire des individus des consommateurs, utiliser le temps de cerveau disponible selon la phrase d'un des directeurs de la chaîne de télévision TF1 pour vendre ou pour acheter ou pour consommer. Donc nous croyons souvent que nous sommes libres dans nos démocraties libérales, mais nous sommes aussi souvent actionnés par des mécanismes qui nous téléguident, donc à travers toutes sortes d'usages. Donc le religieux est une dimension parmi d'autres. Donc je vois, moi, j'ai été sortir de l'adolescence très... J'ai eu une intuition très rapide que après la révolution iranienne, le facteur religieux pouvait être un ferment révolutionnaire. Et j'ai essayé de comprendre très tôt, donc à cheval entre une pensée, une formation occidentale et une culture orientale, j'ai essayé de comprendre ce phénomène. Et la compréhension du facteur religieux dans des phénomènes aussi politiques, nous sommes au début des années 80, moi j'ai 20 ans au moment de l'invasion du Liban, de l'invasion israélienne du Liban, je passais mes vacances au Maroc, c'était la Coupe du Monde. Ce n'est qu'en revenant ici que je me rends compte du désastre qui s'est passé, Sabra et Shatila. Donc je suis fasciné aussi par le pouvoir, par les forces qui utilisent le religieux comme forme de résistance à l'occupation, à l'oppression. Et j'essaie de comprendre. Et c'est vrai que j'avais une certaine, disons, pas une fascination, mais il y avait quelque chose qui, une empathie qui cherchait à comprendre, mais peut-être qui pouvait aller au-delà. Et ça ne me posait pas de problème à l'époque d'intervenir et de défendre des positions extrêmement isolées en Occident, défendre des positions de certains mouvements islamistes. J'essayais de montrer la relativité des cultures ou de voir aussi que le monde vu depuis le point de vue d'anciens colonisés ou du rapport à l'impérialisme permettait de voir les choses différemment et qu'il était important qu'en Europe, on puisse aussi entendre différents discours. Mais petit à petit, on a vu aussi les versants négatifs. La révolution dévore ses propres enfants. On a vu aussi avec la révolution iranienne, avec des formes de fanatisme et de violence, que finalement, on commençait à voir aussi les aspects plus sombres. Et moi, j'essayais d'évacuer, comme il y a d'éminents spécialistes de l'islam qui prennent des positions jusqu'à aujourd'hui très en faveur de ces mouvements islamistes radicaux et qui essayent de justifier les actions. Et moi, j'étais un peu dans cette mouvance, mais je dirais que j'ai été sauvé par de basculer dans une sorte de monoculture de l'esprit, parce qu'en fait, c'est ça le fanatisme ou le dogmatisme, c'est d'être enfermé dans une monoculture et de ne pas considérer la pluralité des cultures, la pluralité des situations, la complexité des situations. Et j'ai été sauvé, étrangement, par deux lectures, parce que j'avais toujours j'ai toujours été intéressé par les gens qui ont une réflexion libre, qui sont des sortes d'électrons libres ou qui essayent de remettre en question nos présupposés. Et effectivement, ce qui fait que j'ai peut-être échappé à un fanatisme, c'est quelque part la quête de la beauté dans une... Dans une démonstration, dans un paysage, dans un visage, dans une âme. Je veux dire, même dans des idées, la beauté de certaines idées. Et donc, ça dépasse le côté dogmatique. On ne peut pas, disons, être resté dans un carcan. Et j'ai vécu aussi intimement le collapse du monde, de l'univers de la gauche. Parce que rappelons-nous aussi, il faut comprendre que pendant les années 60-70, dans le monde arabe, les mouvements qui tenaient le haut du pavé sur le plan idéologique, c'était des mouvements de gauche. C'est l'arabisme. Et qu'à l'époque, le religieux était totalement, disons, perçu comme réactionnaire sur la scène politique. Ça a été utilisé par les régimes en place, je parle des années 60, pour contrer l'arabisme de Nasser, les mouvements de gauche et révolutionnaires qui se réclamaient d'une mouvance marxiste. Et moi, il faut se rappeler aussi, je pense qu'on n'est pas tous... dans les années 60 ou 70, les manifestations dans toutes les capitales européennes, c'était les prophètes, c'était Mao, c'était Che Guevara, c'était les modèles... voilà, c'était Trotsky, c'était Lénine, c'était Staline, c'était ça les références, c'était pas des références identité religieuse. Donc, je me suis rendu compte que ce qui allait venir une ou deux décennies après... Au nom de la religion, on l'avait vécu de plein fouet, y compris un fanatisme, un terrorisme en Europe, avec l'aventure marxiste, l'aventure communiste, et qui est aussi une sorte de galaxie qui s'est déclinée dans toutes sortes de pensées et de pratiques. Et donc, j'ai senti bien qu'il y avait quelque chose de comparable. Et ce qui m'a sauvé un peu de ma fascination de ce qui se passait sur le plan de la scène islamiste, disons, radicale, c'est deux lectures que j'ai faites, disons, de manière par hasard, par curiosité. La première, c'était un livre d'Edgar Morin qui s'appelait « Sortir du 21e siècle ». Ce livre... Edgar Morin a fait. Bon, c'est un personnage très connu. C'est un ancien résistant français qui est rentré au Parti communiste très vite, qui en est sorti aussi très vite. Et pratiquement les trois quarts de sa vie, il a raconté comment il a vécu la fascination pour le communisme, comment il est devenu embrigadé et comment il a été chassé parce qu'il commençait à être un petit peu électron libre. Et il a développé toute une réflexion sur la liberté, sur la complexité humaine. Et il décrit dans ce livre, Sortir du XXIe siècle, son tous les phénomènes de dogmatisme, d'endoctrinement, de fermeture face au réel, face à la diversité complexe du réel. Mais par rapport à son référentiel occidental du communisme, qui selon lui, il dit que le communisme était une religion de salut terrestre. Et ça m'a extrêmement parlé. C'est-à-dire que j'ai tout de suite vu que pratiquement, on pouvait établir une comparaison de ce qui se passait. Et ça m'a amené beaucoup ça a contribué à ce que je développe un recul. Une deuxième lecture que tout le monde connaît aussi, c'est un roman historique de Umberto Eco, Le nom de la rose. Tout le monde a entendu parler de ce roman et du livre, et du film et du livre. Mais dans le livre, il détaille de manière très intéressante des mouvements hérétiques qui avaient lieu au XIVe siècle, avec d'une part une certaine élite au sein de l'intrigue du livre qui essaye de comprendre ces masses pauvres, déshéritées, qui abolissent tous les interdits religieux et qui sont dans une sorte de transe et qui virent dans des excès et qui vont subir aussi des excès de violence et qui vont subir une répression farouche par les pouvoirs de l'Inquisition. Et là aussi, j'ai reconnu, à travers des descriptions du XIVe siècle dans un univers médiéval plutôt latiniste, des descriptions très fines sur les phénomènes de fanatisation ou de radicalisation de certains mouvements qui, au départ, sont des mouvements qui veulent se rebeller contre un ordre unique, injuste, et qui, d'hérésie en hérésie, de sortie en sortie minoritaire, deviennent de plus en plus extrémistes. Ça aussi, ça a été aussi un facteur pour mon réveil, je dirais, disons, ma prise de conscience des dangers de l'idéologie. Donc on voit bien qu'à travers ces deux livres, qui n'ont rien à voir avec la scène arabo-musulmane, que le fait de peut-être sortir de ce cadre, d'un cadre référentiel et de se projeter dans une situation d'altérité, on peut trouver effectivement à travers le temps et l'espace des phénomènes comparables, des mécanismes d'endoctrinement et d'idéologisation. Et je dirais que depuis cette période, 20 ou 25 ans, j'ai toujours tenu à travers mon approche de la scène arabo-musulmane à maintenir cette distance critique. Et je dis ça en insistant que pendant 20 ans, j'ai écrit dans la presse occidentale, francophone essentiellement, toutes sortes de journaux, que ce soit des journaux locaux, la Tribune de Genève ou Le Temps ou des journaux français, j'ai toujours développé une attitude à aller contre la tendance majoritaire des médias à représenter des phénomènes politiques liés à l'islamisme, dans le sens où j'ai toujours défendu les islamistes les mouvements islamistes qui, parce qu'il y a aussi des choses très positives dans ces mouvements, qui répondent à un manque, qui interviennent dans des situations aussi de dictature, d'interdiction de pluripartisme ou de restriction de la parole. Donc il y a un rôle social. Et j'ai toujours défendu l'idée que tant qu'ils respectaient, disons, une légalité, qu'ils s'inscrivaient dans la non-violence, ils avaient tout à fait le droit d'évoluer dans un espace politique. Je pense, sur ce point de vue, j'ai beaucoup écrit à l'occasion de la guerre civile algérienne, qui a été déclenchée suite justement à l'annulation des premières élections libres dans le monde arabe, qui avait vu la victoire du Front islamique du salut, un parti islamiste qui était assez radicalisé, sûr de son affaire, qui a commis énormément d'erreurs politiques, mais qui jouait le jeu du processus électoral. Et donc, ça a tout de suite posé des questions d'éthique. Est-ce qu'il faut interdire des partis qui se réclament du religieux et qui peuvent risquer de mettre en danger la démocratie? Pour moi, la question, elle est ouverte. On a fait l'expérience aussi. Je ne fais pas de différence entre ce qui se passe au sud, du nord de la Méditerranée. En Europe, nous avons des parties. Voilà, ce que je disais, il n'y a pas des différences de nature, mais c'est des différences de degré. Mais en Europe, nous avons des parties de droite, nous avons des droites dures, nous avons des parties qui sont aussi xénophobes, que ce soit en Suisse, qui ont, l'UDC a été un parti qui était majoritaire. Le jeu démocratique a fonctionné, il n'y a pas eu de déstabilisation. Voilà. Dans d'autres pays, vous avez le Front National qui représente une portion importante de la population. Comme, étrangement, c'était la place qu'occupait le Parti communiste il y a 30 ans à peu près. Voilà, et 15-20% hein, dans les élections, c'est aujourd'hui le Front National. Alors pour aider à comprendre, je dis voilà, ces partis islamistes, ils représentent voilà, 20-25% des opinions publiques et ils expriment de l'identitaire, ils expriment un repli, mais aussi ils expriment aussi des mobilisations sociales, une occupation de terrain dans des États faibles, dans des États où les pouvoirs se sont accaparés les richesses, où c'est des pouvoirs aussi pour l'essentiel qui sont gérés de manière autocratique, mais aussi dynastique. Le pouvoir se reproduit lui-même, etc. Donc ce n'est pas étonnant que dans le pauvre espace politique qui reste, la religion ait pu servir de vecteur. Je crois que pour aborder les projets qui m'animent actuellement, je crois que la question du fanatisme aussi touche la jeunesse. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas, si vous voulez, à juger les gens pour ce qu'ils sont. Ça m'intéresse plus de voir le devenir. Et je pense que la jeunesse est sensible, est un passage sensible. Ce n'est pas pour rien que les armées envoient, disons, le gros de l'armée, c'est composé de personnes qui ont entre 18, 20, 21, 22 ans. Au-delà, bon, ce n'est plus possible parce que c'est là où il y a le plus de courage et plus de combativité, de témérité, et aussi où on ne réfléchit pas trop, où on est assez téméraire. Il y avait un documentaire très intéressant sur les responsables du Shin Bet israélien, des seniors de la politique qui ont développé une analyse magistrale sur la crise de la politique israélienne vis-à-vis de la question palestinienne. Mais ils avaient 50, 60 ans. Et ceux qu'on envoie sur le terrain, dans les territoires occupés, c'est des jeunes de 18 à 20 ans. Ils ne doivent pas réfléchir. Ils doivent appliquer des ordres. Et c'est ça qui fait l'efficacité d'une armée. Donc on peut aussi imaginer que les phénomènes d'endoctrinement, disons, les jeunes sont une cible privilégiée. Et donc, il faut espérer que aussi on évolue avec le temps et que justement, quand on est jeune, on est un petit peu téméraire, on veut faire la révolution. Des fois, on fait la révolution et des fois, on est en plein devenir. Dans les années 60, n'oublions pas qu'en Europe, aux États-Unis, il y avait toutes sortes de mouvements contestataires. Ces mouvements n'ont pas institué, n'ont pas changé essentiellement les démocraties occidentales, mais quelque part, il y avait tout. Ils ont renouvelé le champ des sciences sociales, je pense aux mai 68 et ses suites. Aux États-Unis, toute la vague contestataire pour les droits civiques, de lutte contre la guerre du Vietnam, tous ces gens-là qui étaient dans les franges un peu hippies, un peu de contre-culture, se sont déployés dans une révolution technologique. Donc, ce qui est intéressant, c'est le devenir. Et ils nous ont fait passer à un autre stade d'évolution, disons, voilà, ce qu'on appelait l'esprit de la vallée à San Francisco. Ben, quelque part, ils sont passés d'un rêve sociétal à une transformation où il y avait la rencontre avec la révolution technologique, la naissance de la révolution informatique. Donc, la jeunesse est une période fragile, sensible, et il faut être très attentif à ce point-là. Par contre, voilà, les gens qui, dans la question du fanatisme, il y a l'agent, celui qui fanatise, et c'est souvent peut-être aussi des maîtres en pensée ou des clercs religieux ou des chevaliers du bien et du mal, médiatiques ou autres. Et qui ont une influence sur les gens. Parce que ce que je disais, c'est que maintenant, on fanatise aussi par des chaînes de télévision, chaînes religieuses ou des chaînes politiques. Ça passe par les airs aussi, c'est pas que les outils de communication jouent un rôle très important. Et effectivement, les personnes plus âgées qui fanatisent donc l'agent, ceux-là sont les vrais dangers. C'est les gens qui n'évoluent pas et qui sont contents d'avoir voilà, un bétail cognitif qu'ils peuvent utiliser, qu'ils peuvent mobiliser. Et nous sommes tous soumis à cet impératif de l'audience. On ne juge du succès d'une théorie ou d'une personne que par l'audience qu'il arrive à agréger, hein, que ce soit à la télévision, mais aussi sur Internet, faire du bruit, mobiliser. Donc, vous avez aussi toutes sortes de phénomènes de parasitage de ce type. Et donc, ce qui s'est passé, l'aspect contingent qui est vraiment fabuleux que je trouve qui s'est passé depuis quelques années, c'est l'année 2011, c'est ce qu'on a appelé le printemps arabe, même si ça a l'air un peu fané. Pour moi, 2011 représente l'année lumière des Arabes. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas simplement que 4 ou 5, ou 3 ou 4 dirigeants ont été renversés, mais et les gens jugent de ces révolutions sociales juste sur les équipes dirigeantes qui ont été remplacées ou pas. Pour moi, ce qui s'est passé est la chose la plus importante de l'histoire sociale de l'islam depuis 14 siècles, depuis la mort du prophète. C'est-à-dire, pour moi, le plus important, c'est que nous avons eu un réveil populaire, un réveil des gens pour se libérer d'une peur. Et pour moi, on a tourné une page très importante qui bouclait presque un demi-siècle depuis l'ère des indépendances politiques. Et nous sommes engagés dans une deuxième phase qui est vraiment la libération de l'être, la libération de l'individu, la construction d'une société de droit. Et donc, nous ouvrons une nouvelle dynamique. Évidemment, il ne faut pas juger ces révolutions sur voilà, qui a remplacé qui. On va avoir des guerres, on va avoir des régressions. On l'a noté tout de suite, dès qu'en Tunisie ça a changé, on a vu apparaître des extrémistes religieux. L'Occident a enfin admis que les islamistes, entre guillemets, modérés, qui jouaient le jeu, pouvaient, comme ce qui s'est passé en Turquie, pouvaient, pour peu qu'ils respectent leur mandat, qu'ils respectent les accords internationaux, surtout qu'ils ne retouchent pas, qu'ils ne remettent pas en cause les accords, les routes de l'énergie, les prix de l'énergie, des choses comme ça. Tant que l'or, le pétrole et le gaz qui constituent le sang de l'économie mondiale, tant que toutes ces questions-là ne sont pas remises en cause, les chancelleries européennes ont accepté l'idée que des partis d'inspiration religieuse puissent accéder au pouvoir, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ils étaient des principales victimes des régimes autoritaires. Ils accèdent au pouvoir et on voit que beaucoup croient que c'est la fin, que c'est le retour à l'obscurantisme, que c'est la progression du fanatisme. Moi, je suis très heureux de voir que, plus que jamais, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte ou ailleurs, les gens combattent et refusent de se résigner. Le combat pour plus de liberté, égalité, dignité est un combat qui est toujours vivant. Ce qui fait défaut dans ces révolutions sociales, c'est le fait qu'il se rapproche aussi des mouvements un peu des indignés. Y a pas que le monde arabe a été porteur d'une modernité. Cette jeunesse qui est sortie a aussi annoncé un mouvement de base, un mouvement rhizomatique, horizontal, qui n'est pas porteur d'une idéologie, qui n'a pas de maître en pensée. Et on peut voir aussi que à travers les mouvements des indignés, ce qui s'est passé aussi à Madrid, ce qui s'est passé en Israël, ce qui s'est passé Occupy London, Occupy Wall Street, c'est le même mouvement. C'est des jeunes qui aspirent à un changement. Mais malheureusement, nous n'avons pas nous n'avons pas une intelligentsia ou disons une élite intellectuelle qui propose quelque chose, un projet de société. Donc ces jeunes sont un petit peu entre guillemets orphelins pour le moment. Et pourquoi l'intelligentsia occidentale ou même arabe n'est pas solidaire de ces mouvements? C'est que pour ces jeunes qui sont des gens extrêmement bien formés, souvent au chômage, qui sont exigeants, qui savent exactement ce qui se passe d'un bout à l'autre de la planète, qui communiquent, qui pratiquent plusieurs langues, qui sont ouverts sur les cultures, qui n'ont plus besoin d'être représentés par... voilà, ce sont les propres représentants de leur société. Ils assimilent les intellectuels, disons, à l'establishment, au personnel politique, aux gens du pouvoir. Et c'est aussi le cas dans les mouvements des jeunes européens ou nord-américains. Et je pense que c'est ça qui fait un peu défaut, c'est que nous n'avons pas le projet de société. Et ce qui m'amène à évoquer rapidement le projet actuel, c'est que justement maintenant, du fait que la peur a sauté dans le monde arabe, je crois qu'il est enfin possible de traiter de questions qui relevaient, pour l'islam en tout cas, d'un aggiornamento, d'une révolution intellectuelle, une révolution mentale, copernicienne. Avant, on se disait non, les sociétés ne sont pas encore prêtes. Les musulmans peuvent faire ça dans des sociétés sécularisées, comme en Europe, ça sera possible. Mais le monde arabe, c'est des sujets trop tabous. Depuis l'année Lumière 2011, tout est possible. Tout est dit, tout peut être dit. Et c'est ça, je dirais, le formidable gain de ce printemps. Même s'il a l'air fané, et il est riche de possibilités. C'est ça qu'il faut voir, c'est une phase possibiliste. On ne peut pas déterminer ce qui va se faire, mais ce qui est sûr, cette possibilité, cette richesse de possibilités va déterminer l'évolution de ces sociétés durant les prochaines décennies. Et moi, ce qui m'intéresse à la fois, parce que nous avons une sorte de rapprochement maintenant entre le nord et le sud de la Méditerranée, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut justement dépasser ces blocages que les équipes dirigeantes actuellement qui ont pris la place des anciens dictateurs, auxquels ils ne peuvent pas répondre. Donc je pense que c'est plutôt un projet, c'est donner à voir une pensée créative, une pensée libre, une pensée qui soit endogène, et la faire connaître au plus grand nombre. Essayer à travers des démarches. C'est en tout cas, je sais qu'il y a toutes sortes d'initiatives, on peut travailler sur le côté humanitaire, on peut travailler sur le côté éducatif, etc. Pour moi, il m'apparaît primordial maintenant, après avoir désigné les dirigeants, les dictateurs, les autocrates, et leur avoir dit de dégager, je pense qu'il est temps aussi de s'attaquer à la deuxième phase, qui est de voir comment... L'islam a subi une sorte d'opéra, au sens le plus financier et lié à des considérations géologiques, mais de sous-sol, mais vraiment, c'est vraiment lié à des considérations extrêmement, extrêmement loin du religieux, spirituel ou mystique. Nous avions une sorte de précaution de dire oui, peut-être les sociétés ne sont pas prêtes, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est tout est possible. Il faut essayer d'encourager une pensée libre et créatrice et mettre en avant tous ceux qui ont au péril de leur vie et qui ont produit des œuvres qui ne sont connues de personne en Occident. En Occident, on ne connaît que quelques représentants de médiatiques. Il y a maintenant en France un fameux imam qu'on présente comme le plus grand, un grand imam. Quelqu'un de assez comique, très très très instrumentalisé, mais je parle de Chalgoumi, que je trouve très très comique. Je veux dire, c'est quelqu'un de c'est pathétique. C'est-à-dire que vous avez Al Jazeera, des clercs qui ont une influence extrêmement influente, déterminante à travers des programmes religieux, mais vous avez aussi en Europe la tendance à vouloir instrumenter, avoir chacun son petit imam, son représentant, etc. Je pense que le projet d'une pensée libre et créatrice pour en finir avec le fanatisme, avec l'extrémisme, avec l'intégrisme, c'est de, pour une fois, de penser à dire qui est responsable dans le monde, en tout cas arabo-musulman, du fanatisme. Ou qui sont les responsables? On peut dire que ça affecte une portion de la jeunesse ou de la population. Mais qui sont ceux qui ont de l'influence? Si vous vous analysez, vous allez vous rendre compte que c'est les religieux, les ulama, les fuqaha, ceux qui se sont institués, qu'on le veuille ou non, en une forme d'église au sein de l'islam. L'islam est une religion qui ne connaît pas de clergé, mais force est de constater, je veux dire, dans l'histoire de l'islam, dès la mort du prophète, que tout de suite, le politique a pris le devant, ce sont des luttes de pouvoir, et que aux côtés de ces politiques, un corps de religieux s'est développé et a pris une influence au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, il est temps de pouvoir regarder cette histoire et de couper ce lien qui nous fausse avec une réalité. Je pourrais en parler plus en détail au cours de la discussion. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je crois qu'il y aura beaucoup de questions. Vous retenez vos questions. On en fera dans le débat tout à l'heure. En vous écoutant, ce que je vais dire maintenant, de mon point de vue, qui sera plus bref, n'est pas sans résonance sur certains points. Donc, au début de votre intervention, Madame Benkirat, vous avez bien précisé d'où vous parliez. Alors, c'est ce que je vais faire aussi, parce que je crois que c'est important pour qu'on puisse se comprendre. Il se trouve que je suis justement un de ces clercs que vous avez évoqués, et qui a, j'oserais pas dire un bétail cognitif, mais peut-être un troupeau de fidèles. C'est plutôt ça que nous disons. Ça revient au même. Et qui, évidemment, se pose beaucoup de questions par rapport à une parole dès lors qu'elle est publique. C'est comme ça que j'aimerais commencer ce que j'ai envie de vous dire. De fait, un clerc, c'est-à-dire un imam, un rabbin, un pasteur, un curé, un évêque, enfin, etc., dans l'organisation sociale, ce sont quand même plus ou moins des leaders d'opinion, peut-être à différents niveaux, mais quand même. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont écoutés, qu'on vient écouter, dont les avis comptent, et à partir desquels un certain nombre d'autres personnes se déterminent. Ça engage une responsabilité évidemment particulière. Et c'est une question que je me suis posée depuis longtemps, parce que les questions d'audience, vous disiez tout à l'heure, voilà, y a des audiences, des rassemblements. On peut préciser qu'on peut construire des audiences et des rassemblements qui soient pas obligatoirement fanatiques, mais qui peuvent créer quand même des mouvements d'intérêt. Et la grande question qui se pose justement, c'est finalement la parole publique à ce moment-là. À quelle éthique est-ce qu'elle obéit ? Pour moi, c'est une question. Depuis 30 ans, je me pose cette question-là. Je veux dire, finalement, quand on prend la parole avec le plus grand que soi qu'on représente dans la situation d'un clerc, quelle éthique, c'est-à-dire justement, quelle est la différence entre ce qu'on pourrait appeler l'enseignement, l'analyse, éventuellement l'édification, si je veux utiliser un terme plus religieux, et l'endoctrinement, c'est autre chose, mais ce qui est possible aussi. Je trouve que c'est une grande question, et c'est là-dessus que j'aimerais mettre ma courte réflexion d'aujourd'hui sur le fanatisme. Fanatisme dont je rappelle la définition. Le fanatisme est effectivement une définition tout à fait religieuse, puisque ça vient du fanum latin, c'est quelque chose qui a un rapport avec le temps, avec ce qui est sacré. Même si on est bien d'accord que le sacré peut s'étendre à des politiques, peut s'étendre à des nationalismes, etc. D'ailleurs, vous avez très bien dit, en citant Edgar Morin, que finalement, le marxisme, pendant longtemps, est apparu, et je crois que c'est très profondément vrai, comme une religion de salut terrestre qu'on faisait par soi-même, sans transcendance. Mais ça fonctionne bien comme du religieux. Les partis communistes ont fonctionné souvent comme des églises assez sectaires, il faut bien le dire. Bon. Alors, la première chose que j'ai, mis à part cette petite introduction, la première chose que j'aimerais dire par rapport au fanatisme, et la première attitude qu'on peut avoir, c'est poser quand même la question de l'état de droit. Et ça, l'état de droit, c'est quelque chose qui repose sur une société, sur un consensus, sur un travail législatif, etc. Pourquoi ? Parce que l'état de droit est quand même la première des choses qui peut nous protéger des effets du fanatisme. Et c'est vrai que si on arrive dans une situation où l'état de droit est faible, il est délabré, où il n'a pas tellement les moyens de se faire respecter, alors là, on est dans un danger qui est plus grand. Je veux dire par là qu'il y a des règles qui sont posées dans nos sociétés et que ces règles limitent aussi bien les excès de langage que les excès d'attitude et qu'il y a des tribunaux pour ça, il y a des lois pour en juger. Et je crois quand même que c'est important, c'est cet aspect quand même, comme diraient les Américains, de containment de la loi, hein, c'est-à-dire qu'elle permet de contenir des choses trop explosives ou trop extrêmes. Donc, par exemple, moi, je pense qu'en Europe, bon, je sais bien que je vais utiliser un mot qui est piégé, qui est valise, etc. Il faudrait du temps, mais je crois que derrière tous les débats autour de la laïcité, c'est quand même, au fond, cette question-là qui est posée, de savoir, quid d'un état de droit qui soit commun à tous, comment nous, est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord là-dessus, c'est-à-dire à se donner ensemble une règle qui, sans doute... pose un certain nombre de contraintes égales pour tous et pour toutes. Voilà. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je reviens à mon affaire d'éthique de la parole. Dans le monde religieux, du moins, disons, dans les monothéismes, on se réfère à des textes. Et c'est quand même une grande question de savoir comment on s'y réfère, comment est-ce qu'on traite le texte dans ce qu'on va en dire. Et moi, ce que je trouve, c'est que on a souvent dans le rapport au texte, et là je me limiterai, je pourrais dire ça simplement sur le plan chrétien, il y a quelquefois des immédiatetés qui peuvent induire des comportements disons déviants, parce que en fait, ils coupent à toute possibilité de compréhension un peu fine. Et pour éviter ça, je dirais que nous avons besoin, par rapport au texte, de croiser les outils, de croiser les savoirs. Parce que ce sont des textes qui sont susceptibles d'avoir une quantité d'entrées. Bien sûr, il y a l'histoire des théologies d'interprétation, mais il y a aussi l'histoire du texte tout court, il y a la linguistique, etc. Et il est incontestable que, dans le christianisme, le judaïsme aussi, par voie de conséquence, au XIXe siècle, parce que ça a été la grande époque de la découverte de l'histoire en Europe, les grandes écoles historiques, il y a eu des remises en question douloureuses, hein, difficiles dans les églises, dans les communautés, etc. Parce que, eh ben, on s'est aperçu que cette Bible qui paraissait tomber du ciel ne l'était pas du tout en réalité, et qu'elle appartenait à une histoire. Alors, ça ne veut pas dire, une fois qu'on sait ça sur le texte, on n'en sait pas plus, mais il est bien de ne pas l'oublier et ensuite, après, d'interpréter. Voyez, mais je pense que le croisement des savoirs, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, est très nécessaire. On ne peut pas prétendre avoir une parole exhaustive à partir uniquement de son petit point de vue. Il faut constamment les croiser. De ce point de vue-là, je me pose une question, je me risque, peut-être me ferais-je critiquer, mais il n'y a pas malice. Je me dis quand même que dans le domaine de l'islam, et spécialement du Coran, on commence à voir apparaître, je crois, des travaux qui s'apparentent beaucoup à ce qu'ont été les travaux de critique textuelle biblique, notamment avec les fameux manuscrits, la fameuse découverte des manuscrits au Yémen, là, les manuscrits Sana, qui amènent des bouts de variantes, des choses comme ça, ce que nous avons aussi découvert pour notre propre tradition, et qui donc montre simplement cette chose que le texte, évidemment, il a une histoire, il n'est peut-être pas tombé du ciel non plus. Alors la question à se poser, c'est de savoir... Qu'est-ce qui va se passer le jour où ces travaux sont suffisamment solides, suffisamment avancés, et qui commenceront à être accessibles au plus grand nombre, parce qu'avec les moyens modernes aujourd'hui, ça arrivera, même si c'est encore maintenant confidentiel, ça existe, et les gens qui font ça sont tout à fait sérieux, ce ne sont pas du tout des gens qui sont des historiens, des linguistes, des spécialistes, etc. Donc ça, c'est une question. J'ajouterais que un petit peu dans cet ordre d'idées, et ça va peut-être sembler paradoxal pour un homme de foi, c'est ce qu'il faut. Il faut savoir cultiver le doute, voilà. Surtout quand on a la foi. Ça me paraît très important, justement pour éviter d'absolutiser son point de vue. Je veux dire par là qu'il y a deux formes de doute. On est bien d'accord qu'il y a une forme de doute qui peut être destructeur, enfin, de mon point de vue, d'être ravageur, où il ne reste plus rien, et alors, en définitive, on arrive à une forme de désespoir, à une forme de nihilisme, C'est pas ça que je veux dire. Moi, mais je pense qu'il y a un doute qui est constructif, qui va avec l'exercice de la raison, avec l'exercice de l'intelligence, et qui, au contraire, permet d'avancer, permet d'écarter les fantasmes, les illusions, etc. Et que je crois que, au fond, la foi et le doute, lorsqu'ils sont bien articulés, ils sont en fait les deux facettes d'un même système. Et plutôt que de fuir en levant les bras en disant quelle horreur, le doute est le pire ennemi du croyant, c'est pas vrai. Ça dépend de quoi on parle et comment on l'utilise. Je pense qu'il y a également cette éthique de la parole au moment où on la prononce. Ce que vous avez un peu indiqué à un moment donné sur le fait de se mettre à la place de l'autre, d'avoir cette capacité, je dirais, de décalage. C'est vrai que dans le débat aujourd'hui qu'il y a entre le Nord et le Sud, cette capacité n'est pas très présente, tant d'un côté que de l'autre. On a quand même l'impression que effectivement, il y a des schémas un peu fixes comme ça des deux côtés, et que il est parfois bon de pouvoir se mettre à la place de l'autre, et en particulier à la place de celui du contradicteur, c'est-à-dire de celui qui ne pense pas comme vous et qui, disons, par définition, a aussi le droit de vivre, d'être là et de s'exprimer, même si, le cas échéant, ça ne me plaît pas. Voilà. Et ça, c'est pas simple, parce que ça veut dire qu'il faut, en quelque sorte, pratiquer, le grand rabbin me pardonnera, mais ce soir, je ne recule devant aucune audace, une sorte de tzimtzum personnel, c'est-à-dire d'avoir une capacité de se retirer pour que l'autre ait sa place, quand bien même ce retrait ne m'enthousiasme pas. C'est plutôt de l'ordre de l'ascèse, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut le cultiver, et je crois que justement le fanatique, c'est le contraire. C'est celui qui prend toute la place et qui impose son discours et qui ne laisse aucun espace de respiration pour ceux qu'il veut soumettre à son discours, que ce soit religieux ou politique. On est quand même là à peu près dans le même ordre d'idées. Je poursuis sur ce rapport au texte dont j'ai parlé. Il y avait un penseur, d'ailleurs d'esprit très, très libre, très indépendant, au XVIIe siècle, qui s'appelait Pierre Bayle, dont on n'a jamais vraiment su s'il était croyant, s'il était agnostique. Enfin, c'est compliqué, ce n'est pas notre problème, c'est le sien. Mais qui s'intéressait énormément aux questions religieuses. Il était protestant de culture, d'origine, il avait fait sa théologie, puis il avait décidé que... Il ne voulait pas être leader d'opinion au sens d'être pasteur, parce que ça l'ennuyait. Il avait peur de parler en public. Alors il a écrit, tant mieux pour nous, remarquablement. Et il dit une chose qui m'impressionne beaucoup. Il dit qu'en définitive, dans l'interprétation des textes, ce qui est important, c'est les conséquences concrètes que ça a sur les autres. Une interprétation est vraie, selon lui, par les conséquences qu'il a dans la pratique, et non pas dans le jeu simplement intellectuel abstrait. Je trouve cette idée formidable. Parce que ça nous oblige justement à réfléchir aux conséquences concrètes et pratiques des paroles qu'on prononce dans ce que ça va induire chez les autres. Hein. Les conséquences éthiques des discours qu'on tient. Et puis peut-être pour finir, parce que je vous ai promis que je ne serai pas long, et je vais ensuite passer la parole au grand rabbin, vous avez cité évidemment le très beau roman d'Umberto Eco, qui est formidable. Hein. Alors il y a ce que vous avez dit. Mais il y a aussi le fait, vous vous rappelez peut-être, soit si vous l'avez lu ou si vous avez vu le film, il y a tout un complot pour écarter de la curiosité des lecteurs un livre d'Aristote sur le rire. Et on a l'impression que toute la congrégation, là, est dans une espèce de construction, de camouflage de ce texte qu'on empoisonne, enfin bon, vous vous rappelez de la chose. Et ce que Eco nous dit, au fond, il nous dit, écoutez, attention, un fanatique est quelqu'un qui n'a pas d'humour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas rire de lui-même. Il est incapable de se décaler, peut-être de se mettre un peu en dérision. C'est-à-dire de montrer que finalement, il se relativise. Donc, en général, c'est vrai, les gens qui ne rient jamais quant à moi, m'inquiète. Voilà. Je vais passer maintenant la parole. C'est une définition du fanatisme. Bien, tu as déjà réussi à me faire sourire, ce qui me défanatise. Et je vais peut-être pas faire un développement personnel, mais je vais d'abord remercier notre conférencier de ce soir pour son authenticité, pour nous avoir raconté son cheminement. Et c'est très beau d'être sauvé du fanatisme par la lecture. Et je crois que c'est une des voies royales, la réflexion, l'interaction, la pensée critique, l'autocritique, la sortie d'une identité fermée, etc., par la lecture. Et je crois que si on pouvait mettre des livres entre les mains de nos enfants, ça ferait énormément de choses et ça bouleverserait pas mal de choses. Ça, c'est déjà la première chose. J'ai beaucoup été touché par le fait que tu disais que la beauté t'a sauvé du fanatisme. Et là, j'aurais aimé que tu nous dises quelques mots de plus là-dessus. Le foisonnement du monde, la pluralité, le chatoiement de la réalité, la multiplicité des visages. La beauté, c'est sortir du monolithique, sortir d'une seule couleur, sortir d'un seul aspect. Mais j'aimerais que tu en dises plus là-dessus. Et puis, bien entendu, quand tu disais que le fanatisme n'est pas lié fondamentalement au religieux, et il est lié à l'idéologisation d'une valeur, quelle qu'elle soit, que ce soit une valeur religieuse, une valeur laïque, alors tu as parlé du socialisme, du nazisme, etc. C'est clair. Ceci dit, il faut faire attention de ne pas trop nous déresponsabiliser par rapport à ce qui se passe dans nos communautés en disant, mais c'est pas le religieux, c'est global. Et donc, ça ne nous engage pas directement. Et je dis toujours, et Vincent est tout à fait d'accord avec moi, on en a déjà souvent parlé, que nous sommes responsables de nos fanatiques. Et là, c'est peut-être sur ce point que je voudrais dire quelques mots dans un premier temps. Ça veut dire quoi que nous sommes responsables de nos fanatiques? Nos fanatiques nous poussent à des extrémismes, souvent à de la violence, quelquefois du terrorisme. Et je crois que les fanatiques n'auraient pas autant d'impact s'il n'y avait pas une zone grise. Ce que j'appelle une zone grise. C'est-à-dire, on va dire que les fanatiques, c'est le noyau sombre d'une société. Autour de ce noyau sombre, il y a une zone grise qui, en fin de compte, ne désapprouve pas complètement, parce qu'en fin de compte, ça vient d'une culture. Et cette culture, qu'elle soit juive, musulmane, chrétienne, elle est la même pour les uns et pour les autres. Et quelque part, on retrouve dans des prises de position extrêmes la défense de ce qui nous est cher, la défense d'une identité qu'on considère comme bafouée, nous-mêmes. Et donc, ça nous est difficile de délégitimer nos fanatiques, de lutter contre, d'avoir le courage de lever la voix, de prendre la parole face à eux. Et du fait de notre silence et de la pression sociale qu'ils exercent sur nous, de ce fait-là, ils acquièrent une légitimité et en fin de compte, ils prennent une place majeure dans la société. Et nous sommes tous plus ou moins cette zone grise. Parce qu'il y a, à part cela, ceux qui s'en fichent complètement, qui ne partagent pas les valeurs, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes. Or, ceux qui partagent ces valeurs ont du mal à dénoncer leur propre fanatique. Et là, il y a un travail à faire. Alors, premièrement, un travail de prise de parole, et c'est un des aspects du miracle du printemps arabe, cette prise de parole face aux dictatures. Mais cette même prise de parole est en train d'émerger face aux fanatiques en Égypte, en Tunisie, etc. Donc ça, c'est extraordinaire. Et ça, je partage cet optimisme face à des virtualités futures. Mais Il ne s'agit pas simplement de dénoncer, il s'agit de retravailler avec cette zone grise. Parce qu'il est très difficile, et moi j'en fais l'expérience à partir de mon contact avec la société israélienne que je connais un peu plus. Et je me suis intéressé dernièrement au dialogue possible entre les ultra-orthodoxes israéliens et les laïcs israéliens. C'est dialogue, a priori, impossible. Et quand j'ai commencé à dire autour de moi que je voudrais faire quelque chose dans ce domaine, on m'a dit, mais tu es fou. Ça sert à... Et des profs de fac, des gens qui s'intéressent à cela, qui travaillent là-dessus, des sociologues israéliens me disent, mais tu perds ton temps. Ok, c'est bien. Mais c'est ça que c'est peut-être pas ça qui est intéressant, quand on nous dit qu'on perd son temps. Et je me suis dit qu'en fin de compte, ces fanatiques, ces extrémistes israéliens, ultra-orthodoxes, fermés au dialogue, qui défendent bec et ongle leur vision du monde, leur vision du judaïsme, une vision étriquée, etc., s'appuient eux aussi sur une zone grise, sur tout un mouvement religieux, mais qui les comprend, etc., etc., et qui adhère plus ou moins, etc. Et c'est ceux-là avec lesquels il faut travailler pour que s'effondrent les bases sociologiques du discours fanatique. Et ça, c'est notre travail. Et quand tu disais tout à l'heure, Reda, que les clercs sont responsables, que ce soit les rabbins, les imams, ou les curés ou les pasteurs, les clercs sont responsables, d'une part, parce qu'ils ne le dénoncent pas, d'autre part, parce qu'ils fécondent des identités fermées. Et je crois que je te dois une expression que j'avais entendue une fois dans... que j'aime beaucoup, que j'avais entendu une fois dans la cellule de recherche qu'on faisait à Racine et Source, tu parlais de l'identité libidineuse. J'ai beaucoup aimé cette expression. Tu te souviens ? Voilà. Voilà. Et en fin de compte, les clercs, souvent, fécondent des identités libidineuses. C'est-à-dire, vous êtes les meilleurs. Vous êtes extraordinaires. Nous sommes extraordinaires. Notre identité est la meilleure. On a besoin de se rassurer. On a besoin de ne pas faire de jeu entre notre moi et notre idéal. Mon moi et mon idéal, c'est la même chose. Je suis mon idéal c'est moi. Et mon idéal est universalisable. Et je peux le répandre, et je peux essayer de convertir le monde à partir de mon idéal. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'humour, comme tu disais, Vincent. Il ne peut pas y avoir d'humour s'il n'y a pas de jeu. S'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'autodérision. S'il n'y a pas d'autodérision, il n'y a pas d'humour. Or, là, il y a un travail à faire avec l'éclair. Et nous avons, Racine et Source, c'était les partenaires, il y a quelques années, de grandes rencontres entre des forums mondiaux de rabbins et d'imams. Et je disais, c'était à Bruxelles, à Séville, à Paris, à l'UNESCO, etc. Et ce que j'essayais de marteler, et puis bien sûr, ces forums, ces rencontres mondiales entre les rabbins et les imams avaient aussi pour vocation indirecte de montrer qu'il n'y a pas de conflit entre le judaïsme et l'islam. Et s'il n'y a pas de conflit entre le judaïsme et l'islam, peut-être qu'il y a un espoir de paix. Mais je disais à mes collègues que ne nous trompons pas, c'est pas nous qui allons faire la paix, c'est les politiques qui vont faire la paix. Mais simplement, on peut lever l'obstacle identitaire qui empêche de faire la paix. Or, cet obstacle identitaire, il se trouve dans les synagogues et les mosquées. Cet obstacle identitaire, c'est avec les discours fermés des rabbins et des imams qu'on arrive à cet obstacle identitaire. Et donc notre travail, c'est de lever l'obstacle identitaire. Et là, il y a une responsabilité, et on ne doit pas simplement dire « c'est pas nous, c'est les autres ». Le fanatisme, il est politique, il est capitaliste. C'est vrai qu'il faut lutter contre la marchandisation de la personne, de la parole, le non-respect de la singularité du sujet à travers le capitalisme. C'est une des luttes fondamentales de notre siècle. Mais chacun a été mis dans sa place pour lutter là où il est. Si je suis là, c'est pour lutter contre mon propre fanatisme. Je ne suis pas un grand chef d'entreprise, je ne suis pas un grand directeur de banque, je suis rabbin, je suis un petit rabbin. Et dans mon lieu où je me trouve, je dois lutter contre le fanatisme où je me trouve. Et c'est mon rôle, et c'est mon devoir. Et je ne dois pas dire, mais ce n'est pas que nous, c'est les autres. Khalas, tu es là, bats-toi. Bats-toi là où tu es. Bats-toi là où tu es. Alors, bien entendu, et j'ai été aussi très sensible à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le temps où l'identité se forme. Et le problème est de savoir comment on construit des identités. Et là, c'est tout le travail de l'éducation. Est-ce qu'on construit une identité en faisant, justement, en construisant une identité fermée, qui refoule les autres, et qui va faire des petits fanatiques en herbe, ou en transmettant des valeurs idéologiques qui vont conquérir le monde, ou en essayant de faire un jeu, de construire un jeu entre mon identité ouverte sur un universel qui lui aussi est ouvert, ou être dans l'impérialisme universaliste occidental qui a voulu conquérir le monde à travers ses valeurs universelles, et ça c'est une forme de fanatisme, ou être dans la réaction des identités qui ont été conquises et qui maintenant se ferment et essayent d'affirmer cette identité avec force et violence. Et le problème est de savoir faire dialoguer ces identités et cet universel. Et si on arrive à faire dialoguer les identités universelles, c'est peut-être un des moyens d'être sauvé du fanatisme. Voilà, je voulais partager un petit peu ces réflexions avec vous, et bien entendu vous inviter à prendre la parole et à réfléchir et à prolonger cette réflexion. Je remercie donc Reda, je remercie le pasteur Vincent Schmitt, et puis je vous remercie, et puis j'attends de vous remercier encore plus dans quelques minutes. Voilà, alors le moment, on a un moment quand même, hein, pour les questions, raisonnables, puisqu'on va jusqu'à 8h30. Hein. Okay. Voilà. 8h15, quand vous voulez. On a encore 3 quarts d'heure, donc ça nous laisse le temps, monsieur. Deux points. Le premier, je voudrais me livrer à votre réflexion. Est-ce que vous pouvez venir au micro, peut-être, c'est peut-être plus simple. On vous entendra. Voilà. Je passe. Je vais y arriver. J'ai deux points. D'abord, merci beaucoup. Je pensais que vos exposés, tous les trois, très très intéressants, similaires sur certains points. Donc, le premier point, je voulais livrer à votre réflexion une remarque du cardinal Ratzinger au moment où il est devenu pape Benoît XVI. Une remarque qui m'a vraiment frappé. Cardinal Ratzinger, je crois qu'il était encore cardinal à cette époque, disait « Le plus grand danger d'une religion, c'est le relativisme. » Et en particulier au moment de la formation, vous avez évoqué le rire, et effectivement, le recul nous semble à tous nécessaire, mais il risque de défaire en fait l'inculcation de la culture religieuse au départ, et en y une réflexion à mon avis strictement religieuse et théologique, hein, sans que ce soit une réflexion de vie laïque, je pense que ce mot est intéressant, je voulais vous faire réagir là-dessus. Le deuxième point est le suivant. Je me suis souvent demandé, alors vous avez parlé de noyau dur, de fanatisme. D'ailleurs, le noyau dur, je pense, existe dans toute religion ou même dans tout parti politique. Hein. Il y a toujours un noyau dur d'extrémistes, de gens en décalage avec les autres. Et je me suis souvent demandé si finalement on ne parlait pas plus du fanatisme au moment de la conquête. Et j'ai toujours eu le sentiment que il y avait un parallèle important entre conquête et fanatisme. Et d'ailleurs, c'était même à se demander s'il peut y avoir conquête sans fanatisme et sans extrémisme. Et donc je voulais aussi avoir votre réaction à ce sujet. Est-ce que finalement... D'ailleurs, ça peut être une conquête. Enfin, on peut voir ça avec le marxisme, au moins de la conquête... géographique, on peut se dire que Napoléon était fanatique finalement, hein, puisqu'il n'a jamais reculé. On peut avoir cette réflexion historique avec Gengis Khan, enfin, c'est une sorte de fanatisme également. Je me demande si, quand l'islam, à partir de l'essai du prophète jusqu'à finalement à la fin des Omeyyades, une phase de conquête importante, a pu le faire du recul religieux, ou si ça a été fait avec du fanatisme, enfin, même chose pour le christianisme, pour le judaïsme, peut-être à l'époque du roi Salomon, je ne sais pas. Mais donc, je voulais simplement vous poser la question de savoir si finalement les deux n'étaient pas associés, si on ne parlait pas de fanatisme au moment historique de cycle de conquête religieuse. Voilà mes deux questions. Merci. Le relativisme, peut-être. Oui, peut-être sur la. En tout cas, sur la première de vos deux questions, sur la question du relativisme. Ben oui, évidemment. Mais je dirais que, inévitablement, quelqu'un qui va parler au nom d'une révélation à laquelle il adhère, il va se retrouver inévitablement dans une tension. C'est-à-dire dans une tension entre, d'un côté, ce à quoi il adhère, et je dirais qui est son propre ton, qui est son identité, qui est sa propre finalité, qu'il ne peut pas renier sans se dissoudre, mais en même temps, dans un mouvement d'équilibre à trouver, c'est peut-être quelque chose qui est à rechercher en permanence, hein, c'est un mouvement d'équilibre comme la vie, comment tenir son propre temps sans pour autant tomber dans l'autoritarisme ou le conditionnement. Là, c'est une marche un peu sur l'arête, c'est vrai. Parce que nos religions doivent être absolues par définition. Si on fait pas... Je ne crois pas. Nos religions ne sont pas absolues par définition. Elles ont des tas de médiations qui les empêchent de l'être, précisément. Attendez. Je vais dire un mot là-dessus pour enrichir le débat, si c'est possible. C'est-à-dire, entre absolutisme, d'une part, ou vérité absolue, d'une part, et relativisme, d'autre part, il y a peut-être une troisième voie. Parce que si cette troisième voie n'existait pas, par exemple, le dialogue interreligieux serait impossible. Ça ne voudrait rien dire. Je m'explique. Je vais m'expliquer. Après, vous direz si vous êtes d'accord ou pas. Et je dis toujours que ma subjectivité, ce sont les lunettes que je chausse pour contempler une vérité vraie de toute éternité. J'ai besoin de ma subjectivité. Et je ne peux pas refouler ma subjectivité. Et personne ne regarde d'un point de vue absolument objectif. Il n'y a pas de regard humain objectif. Ça n'existe pas. Un très joli verset des psaumes que je cite souvent qui dit « Ahat diber Elohim shtaim sushamati » La parole de Dieu est unique, mais l'écoute est plurielle. Et nous sommes dans l'écoute plurielle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une écoute plurielle? Ça veut dire que la réalité spirituelle est tellement complexe qu'on ne peut pas l'embrasser complètement. Et chacun regarde un aspect de la vérité spirituelle à partir de sa subjectivité. Ce qui peut permettre de comprendre que tout en étant dans la foi de ce que je pense et tout en croyant et tout en adhérant à mon discours, je suis conscient que je n'ai pas tout, que je n'ai pas la totalité, et que la totalité n'existe dans aucun discours, même pas dans celui du cardinal Ratzinger qui le pensait. Et à partir du moment où je suis dans l'adhésion avec ma religion, etc., mais je sais qu'il y a des richesses ailleurs. Parce que moi, je ne suis pas capable de saisir la totalité du réel parce que je ne suis pas Dieu. Et ça permet le dialogue. Dans le sens où j'ai besoin d'écouter ton regard pour enrichir le mien et pour avoir l'humilité. Garder l'humilité malgré mon regard. Alors, c'est pas du relativisme. C'est pas du relativisme. C'est autre chose que du relativisme. Si vous parliez avec un moine bouddhiste, peut-être votre réflexion serait différente. Alors, invitez-le, on discutera avec lui. Peut-être que vous êtes moine bouddhiste vous-même, je ne sais pas. Non, juste sur la question du relativisme. Par exemple, en islam, dans toute religion, il y a des éléments doctrinaux qui font l'essentiel du dogme. C'est pas ça qu'il s'agit... de toucher. Le problème, par exemple, dans ces phénomènes de fanatisation ou de ces phénomènes d'intégrisme, par exemple, qu'on peut regrouper ce nom de salafisme, qui en arabe, salaf veut dire le retour aux anciens, donc c'est revenir en arrière pour s'inspirer de la communauté du prophète des origines, si vous voulez, c'est que, par la force des choses, le clergé, je parle sciemment de clergé en islam, à sacraliser pas simplement le dogme du Coran, parole divine, ou bien, maintenant il y a la sacralisation, le prophète est un homme, il n'a aucun statut divin, mais il y a une sacralisation des compagnons du prophète, il y a une sacralisation des hadiths qui sont les paroles prophétiques qui ont été recueillies pendant 2 siècles après la mort du prophète. Et il y a une sacralisation des pouvoirs en place. Donc, le phénomène de discours critique qu'il s'agit de mettre en place aujourd'hui, c'est justement une lecture critique de ces questions qui ne touchent pas finalement au dogme du musulman. Et puis, je vous rappelle qu'on peut aussi dire que dans l'islam, il y a une grande diversité d'écoles, de théologiques, de différentes expressions du religieux, ésotérique, exotérique, etc. Donc il y a quand même une diversité. Mais ce qui fonde, disons, l'entrée en islam, c'est une profession de foi. Et puis il y a un dogme autour, un noyau dur. Mais c'est pas l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est cette sacralisation de tout un corpus religieux pour, à mon avis, c'est ça ma lecture, c'est justement pour favoriser des pouvoirs en place qui ont instrumentalisé le religieux. Et à la différence du christianisme, le christianisme englobait l'État, était par-dessus le pouvoir. C'est pas le cas en islam. En islam, le pouvoir était le religieux est inféodé au pouvoir en place. Donc, quand on parle de laïcité ou de sécularisation en islam, c'est pour l'essentiel, c'est distinguer le religieux et le politique, mais pas forcément selon les sillages qu'ont emprunté selon l'histoire occidentale. Donc c'est couper cette inféodation des religieux par rapport aux politiques. Et c'est pour ça que les peuples arabes nous ont donné une leçon, parce qu'on les attendait justement comme des foules fanatisées, extrémisées, l'intégrisme, etc. Et quand ils ont éclaté, ce sont des révoltes sociales à religieuses. Et là, on a pu saisir un moment de cette modernité qu'il faut voir pas simplement... C'est pas un processus intellectuel. C'est un processus de transformation démographique, de société qui a la maîtrise de l'écrit, l'alphabétisation, l'urbanisation. Ces outils qui deviennent aujourd'hui des instruments de communication, chacun devient éditeur, accède producteur d'informations, journaliste citoyen. Donc tout ça donne des armes, des outils de libération. Et donc c'est ça aussi qu'on n'a pas vu venir, je pense, à travers nos regards, à travers trop focalisés sur le fanatisme. Les sociétés du sud de la Méditerranée se sont modernisées sur le plan démographique, le recul de l'âge au mariage, le taux de scolarité, le fait justement des diplômés, des doctorants qui se retrouvent au chômage. C'est cette bombe à retardement qui est devenue un facteur de progrès et de développement social. Peut-être un mot sur votre deuxième question rapidement, sur la question de la conquête. Fanatisme de la conquête, alors c'est une vraie question, je pense qu'elle est très importante aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de cette réalité dans un monde fini, où tout le monde est au contact de tout le monde. Effectivement, c'est vrai que les grandes religions n'ont pas pu se déployer sans un effet de conquête, c'est très clair, c'est l'histoire même qui le dit. On peut avoir effectivement dans certaines marges des volontés de conquête ou de reconquête, ici ou là, ça peut aller dans tous les sens. On l'entend chez certains radicaux musulmans exprimés, c'est vrai, mais on pourrait dire, par exemple, dans un pays comme le Brésil, que la conquête évangélique par rapport à un pays qui était traditionnellement catholique est assez évidente et pose beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Alors, est-ce que justement, ça, c'est pas un des enjeux du dialogue interreligieux? C'est-à-dire, dans un monde fini, ces attitudes sont-elles encore possibles? Parce que si on les maintient, on voit très bien qu'on va de nouveau dans la guerre de tout le monde contre tout le monde. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose justement à changer et à essayer d'éviter? Alors, je me rends bien compte de que ma réflexion peut avoir d'utopique hein, par rapport au mouvement de l'histoire. Mais néanmoins, on a conscience qu'on est dans un monde fini. Et probablement que, idéalement, il faudrait que sur le plan interreligieux, on arrive à mettre en place une morale planétaire, une éthique planétaire entre nous déjà, pour savoir si on pourrait, entre les grandes traditions, avoir des comportements minimaux auxquels on se tienne. Qu'est-ce que tu entends par monde fini? Bah, je veux dire que la planète est petite aujourd'hui. Mais que... avant, elle était grande. Avant, on s'ignorait, Marc. Avant, on s'ignorait beaucoup plus. C'était quand même... C'était la planète d'avant ça. Oui, d'accord. Voilà. Avant, on s'ignorait. Je veux dire, pour moi, pour ma grand-mère, hein, était une sainte femme. Bon, quand on lui parlait des musulmans, mais à Neuchâtel, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de mosquée à Neuchâtel. Hein. Et pour elle, c'était... C'était un monde qu'elle ne connaissait pas, dont elle n'avait pas la moindre idée. Bon, ben, aujourd'hui, c'est complètement différent parce qu'on est dans un monde complètement interpénétré. D'accord. Alors, c'est la question sens. Est de savoir si on peut maintenir nos prétentions à la conquête ou reconquête. Je sais bien que la mode est à la critique du multiculturalisme. Ça, bon, il y a des raisons aussi pour ça. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais quelle est l'alternative? Est-ce qu'on a des alternatives autres que celles où il va bien falloir qu'on s'arrange pour vivre ensemble à peu près en paix? Si quelqu'un a une alternative, qu'il me la dise. Non, on n'en a pas. Et donc, c'est une vraie question, mais je ne sais pas y répondre. Voilà. Monsieur. Est-ce que je peux avoir... Oui, bien sûr. Mais il va falloir vous approcher un peu parce que le fil aussi est raccourci, comme la planète. Je voudrais d'abord dire que j'ai partagé entièrement l'approche de l'orateur principal sur le fait qu'il faut trouver des catégories qui nous permettent de comprendre le monde dans son ensemble. Parce que quand on me dit, par exemple, qu'aux États-Unis, on met entre guillemets qu'ils craignent un djihadisme interne, qu'est-ce que cela veut dire? Dans le cadre des États-Unis, on peut parler du djihadisme interne. Ou l'attentat de Boston, par exemple. Ça veut dire que s'il y a des contradictions internes, des problèmes internes aux États-Unis, il faut trouver, aller chercher, aller définir et aller décrire. Mettre un mot comme ça, comme on met aussi un mot qu'en Afrique, oui, c'est un problème tribal, c'est comme ça, et on passe. Bon, ça, c'est pas... Je crois qu'il faut effectivement trouver des catégories sérieuses qui permettent... Bon, ceci dit, alors moi je voudrais vraiment dire quelque chose. L'une sur la laïcité, l'autre sur l'évangélisation. La question de... Je crois que notre problème, les gens qui ne sont pas des religieux, leur problème n'est pas celui de la religion. Le problème, c'est de la coexistence dans des sociétés où les individus sont libres. N'est-ce pas, de s'exprimer. À partir de ce moment-là, ce que les Occidentaux ont inventé, mis en place, c'est l'État laïque. Et c'est l'État de droit. Mais un État de droit dans la démocratie. Ce n'est pas n'importe quel État de droit. Alors donc, là-dedans, la laïcité, c'est en fait un système politique qui donne de la place à l'athéisme, c'est pas qui permet aux gens qui ne sont pas des croyants, n'est-ce pas, de s'exprimer, de dire Dieu, ça ne veut rien dire pour moi, c'est de la fraude. Et si on n'a pas, c'est-à-dire que si on n'a pas cette liberté dans un pays de dire je ne crois pas en Dieu et de ne pas se sentir en danger parce qu'on l'a dit, c'est grave, n'est-ce pas. Il faut que, c'est-à-dire l'État doit être en mesure de protéger les gens qui disent publiquement qu'ils sont des athées. Bon, maintenant, la deuxième chose, c'est la question de l'évangélisation. C'est vrai, l'évangélisation, c'est le produit de la conquête. Moi, je suis né dans une famille dont mes parents s'étaient convertis au christianisme. Mais c'était pendant la colonisation. Mais aujourd'hui, si vous allez au Cameroun et que vous trouvez des chrétiens, des communautés chrétiennes, et que vous leur dites que voilà, il y a un problème parce que c'est à la suite de conquêtes qu'ils sont devenus chrétiens, nous vous dirons, mais ah bon? Parce que là n'est pas la question. Là n'est pas la question parce que... Mais les Maghrébins, l'islam, c'est pas leur religion d'origine. Les Européens non plus, ils sont pas des chrétiens. Donc, n'est-ce pas, le fait que les gens, à un moment, c'est comme la langue. Le français, aujourd'hui, chez nous, c'est une langue n'est-ce pas, de colonisation. Mais ce que les Français ont beaucoup de difficultés à comprendre aujourd'hui, c'est que les gens peuvent être francophones et chercher à ne rien avoir avec la France. Ils sont incapables de comprendre ça. Ils pensent que partout, n'est-ce pas, si les gens sont des francophones, il faut qu'ils les mettent sous leur haine. Parce qu'ils ont peur, je ne sais pas pourquoi. Alors que, n'est-ce pas, vous trouvez, le Cameroun, c'est un pays bilingue. N'est-ce pas, vous avez des... enfin, multilingue, mais les deux langues principales, c'est l'anglais et le français. Et à cause des deux colonisations. Mais, aussi bien les Camerounais francophones que les Camerounais anglophones, ils sont prêts, chacun de son côté, à lutter pour la francophonie et l'autre à lutter pour la francophonie. Parce qu'il n'y a aucune, vous ne trouverez au monde absolument aucune langue importante qui n'ait été imposée. Toutes les langues importantes que vous trouvez dans le monde, ce sont des langues qui ont été imposées. Sauf l'espéranto. Le français, c'est quoi? Il y a la question. Non, je veux dire que à partir d'un certain moment, il y a des choses dans l'histoire qui marquent des coupures et on ne peut pas revenir dessus. L'histoire, ce n'est pas des choses, n'est-ce pas, réversibles. D'accord. Donc ça, c'est... Dans la question. Et donc la question, c'est à une génération de savoir comment est-ce qu'il doit pouvoir aider. Donc ma question, quand je regarde ce qui se passe en Europe, c'est par rapport à la révolution arabe. C'est quel est le courant qui choisissent de soutenir. Est-ce qu'ils choisissent de soutenir les gens qui sont contre la laïcité et la démocratie, ou bien ils choisissent de soutenir ceux qui sont effectivement pour la laïcité, pour la démocratie, et c'est-à-dire des gens qui peuvent leur ressembler parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Au lieu de laisser ceux qui connaissent bien pour aller entrer dans d'autres choses. Donc, vous me demandiez quelle est la question. En fait, ce n'était pas tellement des questions. D'accord. Vous voulez réagir? Non, ce n'était pas une question. Non, on n'a pas besoin de réagir. Non, c'est-à-dire que, bon, dans cette phrase, c'est ce que je disais. De libéralisation de la parole politique, de revendications absolument nouvelles qui sont en train d'émerger, y compris de gens qui sont athées. C'est des nouvelles questions qui commencent à émerger. Il y a des gens qui, par exemple, sur leur compte Facebook, font des caricatures, touchent à des symboles religieux, ils se retrouvent jugés. Donc ça pose des questions de société qui sont nouvelles, qui avant relevaient de l'impensé. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, toutes ces questions, elles sont sur la table. Nous n'avons pas, une production encore suffisamment de pensée. Elle existe, cette production de pensée. C'est aussi le but de l'atelier de recherche que nous avons mis en place ici avec, je dois citer mon ami le professeur Hassan Raziri de l'association du dialogue euro-arabo-musulman. Nous avons créé cet atelier de recherche Iqbal sur la plateforme hypothèse.org. Et l'idée, c'est de mettre en avant tous ceux qui ont travaillé sur ces questions. Je peux vous donner quelques noms. Vous avez, dans le colloque que nous allons organiser en juin prochain, nous allons faire venir le Syrien Mohamed Shahrour, qui est un réformateur majeur et qui a fait une œuvre, mais absolument radicalement anticléricale, une lecture extrêmement moderne. Et je vous invite à visiter le site iqbal.hypothèse.org. Vous allez voir du matériel, vous allez voir des intelligences actives du monde musulman, à travers une diversité. Donc ce que nous voudrions, c'est de faire connaître ces ouvrages. Et figurez-vous que des gens comme Mohamed Shahrour, comme l'Égyptien Jamal El-Benna qui est décédé dernièrement, comme le Tunisien Mohamed Talbi, plus de 92 ans, qui va venir à notre colloque, et d'autres... Hassan Hanafi, égyptien, qui va venir aussi. Vous avez une production très intéressante qui est peu connue du milieu occidental. Leurs œuvres n'ont pas été traduites suffisamment ou ne sont pas connues. Mais l'idée, c'est de mettre en avant une pensée de notre temps et qui dialogue. Vous parliez de croiser les savoirs. Ce sont des gens et d'autres, beaucoup d'autres, qui ont l'avantage de pouvoir dialoguer avec les philosophies, les sciences de notre temps. Et donc, la zone grise que tu évoquais, justement, c'est pour combler cette zone grise. Le temps est venu, c'est justement grâce à cette année-lumière arabe qu'il est maintenant possible, je veux dire, les tabous, il n'y a plus de place pour les tabous. Et je vous assure que les tabous ne sont pas finalement si religieux que ça. C'est, d'un point de vue psychanalytique, ce que je trouve très intéressant dans la scène arabe, etc., c'est pas tellement le religieux qui fait problème, même par rapport à des questions d'athéisme. C'est, encore une fois, c'est une relation au pouvoir et qui s'est exprimée de tout temps et qui s'exprime aussi dans la force de l'aspect presque anthropologique du rapport du père de, fils de, la transmission verticale selon une arborescence, alors que le monde aujourd'hui et les révolutions et les technologies et notre pensée deviennent réticulaires. La pensée n'est plus, on n'est plus à l'heure des maîtres à penser. C'est une pensée collective. Et ce qui me fait penser, à travers le mouvement des révolutionnaires arabes, mais aussi en Europe, c'est qu'on ne voit pas de maître de figure tutélaire. Peut-être parce que nous sommes, peut-être, ça c'est l'hypothèse que j'avance, nous sommes au début d'une sorte de nouvelle pensée qui est plutôt une pensée collective. Les peuples pensent collectivement. Et peut-être qu'avec ce changement de support technologique, nous allons avoir aussi peut-être un changement par rapport au théologique. Hein. Dans le monde arabe, l'islamisme a fonctionné au XXe siècle comme une sorte de libération, théologie de la libération. Donc il y avait ce rapport par rapport aux gouvernants. Le bilan est très contrasté. Aujourd'hui, peut-être le moment est venu, grâce à une pensée libre et créatrice, d'arriver à une sorte de libération de la théologie pour pouvoir occuper utilement la zone grise dont tu parlais. Il y avait une réaction... D'abord, madame. Pardon, excusez-moi. Elle était avant. Excuse-moi. Elle était avant. Oui, je voudrais savoir si quiconque a déjà ou est en train de faire... une recherche sur ce que les fanatiques trouvent dans le fanatisme dont ils ont tellement besoin. Je ne sais pas s'il existe des recherches scientifiques là-dessus, mais ce qui paraît clair, c'est que premièrement, il s'agit de se rassurer dans son identité. Et de se rassurer dans l'identité qu'on a reçue, et on en avait parlé dernièrement, lorsqu'il y a une faille narcissique qui n'est pas comblée, et lorsqu'il y a une blessure narcissique qui n'est pas comblée, alors on essaye, à travers l'idéologie fermée, de remplir cette faille narcissique. Cette béance narcissique qui attire un idéal fermé risque de se transformer en violence. Bon. C'est une des lectures, il y a beaucoup de lectures là-dessus, mais c'est clair que ça fait partie du problème psychologique du fanatisme. Est-ce que ça ne serait pas une base de travail pour justement se préoccuper des différents types de fanatisme? Oui, alors, une base de travail. Ça voudrait dire qu'on s'occupe de la faille narcissique de chacun, ça veut dire qu'on doit tous faire une psychanalyse. Et deuxièmement, que les gourous n'utilisent pas leur idéologie pour essayer de combler les failles narcissiques. Ça serait un travail gigantesque, titanesque, et qu'on finirait pas dans les 3 siècles à venir. Mais bon. Il faut bien penser à certaines voilà. méthodes. Mais je crois qu'en tous les cas, je viens de dire le mot gourou, les dirigeants religieux, quand ils se gourouisent, si vous permettez l'expression, et quand ils prennent un pouvoir dans la parole, et quand ils fascinent par leur parole, et quand ils ferment les consciences par la parole, tu parlais tout à l'heure de bétail cognitif. De bétail cognitif. Quand ils utilisent leur communauté comme un bétail cognitif, ce qu'ils font souvent, bien entendu, ils sont responsables. Et là, je crois qu'on devrait lutter de façon claire contre ces religieux-là, et on n'a pas souvent le courage. Et ça, c'est un des problèmes graves. Et je voulais te poser une question, profiter de la question de madame pour te poser la question. Quand tu parles de ces chercheurs qui viennent d'Égypte, de Syrie, etc., pour un colloque, etc., est-ce que ce sont des chercheurs ou des maîtres à penser qui sont de religieux, qui sont des imams, qui sont des oulémas, ou est-ce que ce sont des historiens, des théologiens, mais qui ne sont pas reconnus comme maîtres religieux? Parce que c'est très important. Ce qui serait intéressant, c'est que ceux qui font la réforme de la pensée islamique soient légitimés dans leurs paroles religieuses. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Je te remercie de me poser cette question, parce que nous étions tenaillés dans la zone grise, justement parce qu'on nous disait... Il faut que vous ayez la légitimité religieuse, que vous soyez passé par Al-Azhar ou bien Qarawi ou d'autres écoles, enfin facultés théologiques pour pouvoir parler. Et moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui passent par la théologie ou qui maîtrisent l'héritage théologique en islam maîtrisent leur sujet, mais ils ne peuvent pas changer la société d'aujourd'hui. Et ceux qui veulent changer la société d'aujourd'hui ne veulent pas passer par la théologie. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, c'est une grande erreur en islam que d'avoir laissé ce clergé émerger. C'est des clercs alloués par des États pétroliers, par des pétromonarchies. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été fonctionnalisés et qui ont des audiences qui se chiffrent par dizaines de millions d'individus à travers des programmes religieux. Et c'est comme ça qu'on peut réaliser que nos sociétés ont changé, ont été endoctrinées par les airs, mais aussi par les sous-sols, parce que c'est le pétrodollar qui aussi fait la force. Qui interprète le Coran. Et ajouter à ça en Afrique un mouvement d'évangélisation qui est financé après avoir s'être propagé en Amérique latine, qui est aussi une prochaine bombe à retournement, parce qu'il y a, en même temps qu'il y a une réislamisation au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans les pays d'Afrique subsaharienne, vous avez des phénomènes d'évangélisation. Et oui, on peut rentrer en islam, mais aussi on peut entrer dans d'autres... Donc, on est dans des affrontements avec des logiques, c'est des effets retours de la mondialisation. Mais ce qui me paraît, alors c'est peut-être là où je vais diverger avec toi, c'est que pour moi, c'est un piège logique que de penser qu'il faut qu'on soit dans le cadre de la légitimité théologique pour pouvoir faire cette réforme. Et tout un collectif, un nous, plutôt un on, parce que ce qui est sorti dans le monde arabe, c'est pas des nous, c'est pas des nous antiques ou tribaux, c'est un on. C'est-à-dire ce on, c'est je, mais c'est tu, c'est elle, c'est-à-dire aussi l'élément féminin a joué un rôle très important. La femme aujourd'hui aussi, les femmes ont été un acteur de ces mouvements de conscientisation. Et donc ce on veut penser le religieux. Le religieux joue une fonction et est bien ancré dans les sociétés. C'est une erreur que de laisser croire qu'il faut le laisser au clair. Parce qu'on a vu ce que ça fait des siècles qu'on est en train de tourner dans un sort de carrousel et on n'en sort pas. Et on n'en sort pas. Et face au collapse des intellectuels de gauche, les gens qui ne sont pas des religieux, les gens de gauche ou d'autres sensibilités, doivent se saisir de la question religieuse et la penser. J'ai lu des dizaines, je ne sais pas combien de milliers de livres depuis. J'en ai cité deux modestes ouvrages, dont un roman populaire. Je veux dire, j'ai lu des ouvrages de théologie, des ouvrages de philosophie, etc. Mais finalement, c'est un ouvrage populaire, un best-seller qui a été le plus important dans ma prise de conscience. Hein? Donc, nous sommes à un âge aussi de faut parler de société du savoir, avec des nouvelles humanités qui se... Michel Serres disait, si tu ne vas pas au savoir, le savoir ira à toi. Donc, ces figures des imams, ces figures de l'autorité religieuse, de la représentation, il faut la casser. Je le dis en toute sincérité, frontalement, grâce au printemps arabe, le temps est venu de défroquer ces clercs alloués de l'islam. Parce que... Voilà. Donc, et ce que je veux dire par là, c'est que le religieux est une question trop importante pour la laïcité aux mains uniquement des théologiens. Je pense que des anthropologues, je pense que des philosophes, et c'est tous ceux-là qui vont venir. Bien sûr, c'est des gens qui sont versés dans les sciences théologiques, etc. Mais je veux dire, l'apport des sciences modernes, l'apport de la philosophie moderne, l'ouverture à ce développement des découvertes des scientifiques, des nouvelles manières de penser le monde. On ne peut pas rester prisonnier de catégories du droit, etc. Le temps est venu maintenant de faire une mise à jour vraiment nouvelle. Et je suis catégorique, les religieux, ça fait 2 siècles que nous parlons de réforme en islam. On a rien, pour le moment, on n'a pas encore vu, on n'a rien vu de significatif en ce moment. Madame, vous l'êtes depuis un moment. Non, attends. Madame, vous l'êtes depuis un bon moment. Moi, je voudrais remercier particulièrement M. Benkelan pour cette ouverture qu'il nous a amenée. Et comme il a parlé du fanatisme, tous les fanatismes, politiques et religieux et autres. Je reviens de Tunisie et j'ai vu les professeurs d'université, les théologiens, qui ne sont pas des représentants religieux. Ce sont eux les plus intéressants, qu'on amène sur le plateau, mais les religieux, on veut leur dire au revoir, dégage. Parce que. Qui veut dire au revoir au peuple. Le peuple. Non, pas une partie du peuple. Non, une bonne partie du peuple leur dit ça parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Parce que eux, ce qui les intéressait, c'est leur place, c'est leur pouvoir. Et avec beaucoup de. Je dirais. Certains sont vraiment analphabètes. Et le pouvoir qu'ils ont est tellement puissant qu'ils avaient. Maintenant, les gens parlaient de M. Talbi qui va venir, c'est une merveille. Je veux dire, nous ici, on parlait de M. Essel, c'est une merveille. Mais M. Talbi, vous allez voir la sagesse et la culture, cette ouverture qu'il a. On va pas trouver ça dans beaucoup de. On les trouve au niveau des muftis de la République d'avant. Parce que ce sont des gens qui étaient des érudits, mais on ne les trouve pas au niveau des mosquées, on a eu quand je dis des analphabètes, ce sont des gens qui se sont appropriés ce pouvoir dans cette zone chaotique un petit peu après le mois de janvier 2011. Et ce que nous, le peuple ne veut pas, le peuple a d'autres aspirations. Les gens qui se sont soulevés ont d'autres aspirations. Et l'ouverture fait partie de ces aspirations. Sont des gens qui vivent avec les nouvelles technologies de l'information c'est immédiat. Et on est avec l'autre bout du monde et les combats sont pour le développement et pour l'ouverture. J'avais vu, madame, pour vous donner raison, devant une madrasa au Pakistan, un jeune homme qui lisait le Coran de gauche à droite, donc à l'envers, donc il ne savait pas lire. Des personnes là conquêtent des. Et puis. Me basant sur ces expériences pour la réforme de l'islam, il y a aussi un Palestinien chrétien qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour la capacité de régénérescence de l'islam. Il a écrit le Coran dans l'ordre chronologique. Alors on voit parfaitement la période de la Mecque et la période de Médine, quand il y a des tensions politiques, à des moments c'est extraordinairement poétique. Et ça vaut la peine. Et j'ai aucune école, y compris Al-Azhar, qui a réagi contre, qui a osé une réaction. Cet ouvrage est écrit en français, en arabe, et il y a des citations de l'hébreu en autre. Et pourquoi cet ouvrage s'appelle c'est comment C'est le titre de l'ouvrage. C'est le Coran chronologique, il faudrait que je donne les coordonnées à Alain ici. Et puis, les gourous, toutes religions confondues, à mon avis, il faut faire attention aux autoproclamés. Dans le bouddhisme, par exemple, on dit « je suis le successeur du maître tel et tel, j'ai fait telle école, etc. » comme une sorte de passeport. Toutes les religions ne l'ont pas. Et à mon avis, il y a des lumières. Ces lumières sont contre le fanatisme. Marc Appel le connaît peut-être, Vincent aussi, ou certainement Mohamed Harkoun. Oui, le professeur Mohamed Harkoun, psychologue religieux spirituel européen, disait « Attention, l'interprétation du Coran, entre-temps les ordinateurs et le téléphone, le contexte est différent, n'appliquons pas le mot à mot étroit. » Et puis, je voulais rappeler qu'à propos de la laïcité, il y a un enseignement de la laïcité à Bruxelles, l'Université libre de Bruxelles. Il y a beaucoup de libres penseurs là-bas. Oui. Et c'est presque une forme d'enseignement de l'athéisme, une autre forme. Et un monsieur ici faisait allusion à ça. Et je voulais terminer par deux. À part le grand personnage pour moi, qui est aussi Khaled Ben Tounes, qui est un être lumineux du soufisme moderne, actuel et féministe, quoique le soufisme est généralement féministe. Et je voudrais terminer par deux citations. L'une est de Ramakrishna. Tous les chemins ne sont pas Dieu, mais tous les chemins peuvent mener, j'ajouterais presque, peuvent mener à Dieu. Et puis, pour terminer, celle du fondateur de ce lieu qui disait « L'esprit, c'est comme un parachute. C'est comme quand il est grand ouvert qu'il fonctionne le mieux. » C'est joli. Madame. Oui. Dernière question d'ailleurs. Parce madame, que... oui. Allez-y, madame. Moi, je voudrais savoir si vous avez plus d'informations sur le manuscrit qui a été découvert au Yémen, où ça en est. Manuscrit du Coran. Question. C'est pas. C'est... Oui, alors écoutez, là, ce sont des savants allemands hein, qui s'intéressent beaucoup là-dessus. Ce n'est pas un manuscrit, de ce que j'en sais, je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'ai lu deux, trois choses là-dessus. C'est une quantité de fragments, dont beaucoup seraient, semble-t-il, encore très proches des origines. Tant au niveau de la langue, au niveau, etc. Et ce sont des choses qui se sont passées en d'autres temps pour la Bible, aussi on a retrouvé d'anciens manuscrits. Et alors, ce qu'il faut attendre maintenant, c'est les patients travaux des chercheurs pour savoir quelles conclusions on peut en tirer. Je sais qu'ils ont pu avoir... Je crois que c'est en rénovant une mosquée qu'il y avait entre deux étages une quantité de bouts de voilà, papyrus. Alors il faut attendre l'exploitation de ces textes. Mais ce que je veux dire, c'est que me semble-t-il... parce que moi, le domaine de la critique textuelle est un domaine qui, personnellement, m'a toujours beaucoup intéressé. Et je me suis naturellement posé la question de savoir, mais au fond, par rapport au Coran, qu'est-ce qui existe? Et ça commence. C'est encore assez récent, mais ça commence. Il y a des ouvrages, semble-t-il, qui sortent. Si je me souviens bien, c'était en 75. Ça a été découvert en 75. Alors c'est possible, oui. 72 ou 75. C'est possible. Oui, ça fait un moment, mais il y a des problèmes d'accès. Il y a des problèmes d'accès. Même question éventuelle pour les manuscrits de Tombouctou. Ça, j'en sais rien, mais c'est pas impossible non plus. Donc voilà, trouver des témoins textuels anciens, c'est évidemment extraordinairement précieux. Ça pourrait nous renseigner sur les tout premiers moments de la formation de l'islam, ce qui serait passionnant. Moi, j'ai encore une question, j'aimerais savoir... Vous en savez plus que moi là-dessus, non? Oui, c'est pas simple, je sais qu'il y en a un petit peu qui m'a été corrigé, mais il y a quand même un film qui est toujours là. J'aimerais savoir, est-ce qu'il vaut mieux... est-ce qu'il est préférable d'avoir une dictature ou bien des... Une quoi? Une dictature Il y a des islamistes qui ont été élus démocratiquement. Mais ça, c'est tout le débat. Non. Ben, je l'ai dit au début, hein, j'ai dit que pendant 20 ans, j'ai défendu le principe que des islamistes démocrates puissent exercer le pouvoir. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, je me donne tout le plaisir et tout le loisir de faire une critique constructive de leur pensée sociologique et politique. Donc, je ne suis pas du tout totalement en désaccord avec les éradicateurs. Voilà. Et nous avons aussi un bon exemple avec l'expérience turque. La Turquie, ça va très bien. Hein. Mais ceci dit, la Turquie, c'est une civilisation, c'est une histoire. Ce que je veux dire, c'est que la Turquie désirait ardemment rentrer en Europe. Elle fait partie aujourd'hui de la 16e économie mondiale. Elle a considérablement augmenté le niveau de vie de sa population. Et il y a effectivement, depuis ces derniers temps, un durcissement du régime sur la question kurde, quoique on est peut-être au bord d'un accord historique avec les Kurdes, mais aussi il y a des journalistes emprisonnés. Mais l'expérience turque, pour moi, est une expérience très intéressante. Mais je veux dire que la Turquie, même dans sa phase ultra-laïque, n'a jamais rompu avec son héritage musulman. Et une des théories qui peut expliquer le fanatisme, et ça je la dois à mon ami Genevois Zidane Meribout, qui est l'auteur d'un livre sur la question, c'est qu'il remarque que là où le soufisme s'est écroulé, il y a eu de l'intégrisme et du fanatisme. Et là où il n'y a pas eu cet écroulement de l'approche mystique, le cas de la Turquie, par exemple, ou même dans le cadre du régime d'Atatürk, il y avait un lien viscéral à la religion interne. Et c'est ce qui montre aussi que ces sociétés qui ont préservé le côté mystique, le cœur de la religion, ça les a protégés de l'extrémisme ou du fondamentalisme. Bon, c'est une piste. Bien, madame. Bien. La dernière. Moi, je ne sais pas si j'arrive. Oui, vous arrivez. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis un petit peu choquée de la manière comment on s'est un petit peu égaré de sujet actuel. Moi, je pense, on parle ici de fanatisme. Moi, je suis d'accord de dire dégager le fanatisme, mais pas les imams. Il ne faut pas généraliser. Moi, je suis sûre que chacun, il apporte en lui quelque chose. Il y a aussi, on parle très bien, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas moi, par exemple, que je porte le voile, que je suis salafiste ou je suis de ci ou ça. Je suis avant tout un être humain, je suis musulmane, je sais pourquoi je porte ma religion. Je veux choquer personne, ni être, ni atteindre à personne vous m'excusez, je suis très émue parce que on est là pour être ensemble, donc pour dialoguer interreligieux, pas pour ni être là à gauche ni être à droite. On parle de l'être humain avant tout et il faut pas perdre de notre conscience de dire on est là pour parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec qu'une religion. On est là pour parler de l'être humain. On est tous là, moi pour moi, frères et sœurs, on n'a pas à dériver dans les extrêmes. Sans qu'on se rende compte, on part dans les extrêmes. On est là pour parler de l'être humain, pas de tout ce qui porte les fanatismes, que ce soit imam ou autre. Mais ce que je veux vraiment passer, qu'on ne doit pas généraliser à tout le monde, que tout le monde elle est comme ça. Justement, c'est tout. Merci. Et je suis un tout petit peu responsable de ce débat, puisque c'est moi qui avais posé la question à Reda en lui demandant mais est-ce que tous ces réformateurs ont une légitimité, sont imams, ont une légitimité théologique. Et tu m'as répondu que tu n'étais pas d'accord avec moi, que la légitimité théologique. Je crois que Reda ne voulait pas dire qu'il faut casser les imams. Oui, mais il y aura des imams. Il y aura de toute façon des imams. Il y a l'imam Tariq Obro qui sera là. Mais il veut dire que la légitimité théologique fermée et obscurantiste, avec cette légitimité-là, on ne peut pas travailler, et c'est ça qu'il voulait dire. Maintenant, ce que je voulais te proposer comme lecture, et je suis content de savoir que l'imam Tariq Obro est là, et je crois qu'il est très important qu'il y ait des imams dans votre mouvement. Parce que, comme le disait tout à l'heure le pasteur Vincent Schmitt, il faut croiser des savoirs dans notre rapport au texte. Et on ne peut pas avoir qu'une lecture historique, une lecture scientifique, une lecture sociologique. On est obligé aussi d'avoir une lecture théologique. Et une lecture théologique qui se veut fidèle aussi. C'est-à-dire en Tunisie, c'est un pouvoir islamique qui a été élu. En Égypte, c'est un pouvoir islamique qui a été élu. Ça veut dire qu'il y a une majorité de musulmans traditionnalistes. C'est un fait. C'est un fait. Et il faut travailler avec eux. Et pour faire évoluer les mentalités, c'est pas en cassant leurs repères qu'on va faire évoluer les mentalités, c'est en faisant évoluer les repères de l'intérieur. Donc, moi je me mets à l'extérieur de la scène, hein. Donc il faut respecter cette fidélité au texte, tout en faisant évoluer cela. En enseignant qu'il y a des découvertes sur les différentes versions de l'islam, sur différents manuscrits, sur une contextualisation des paroles du prophète, etc., etc. Et donc, il est important qu'il y ait des philosophes ou des sociologues comme Mohamed Harkoun, comme toi, etc., des gens que je respecte et qui sont mes amis et avec lesquels j'ai travaillé, etc., mais qu'en même temps, il y ait une parole musulmane traditionnelle reconnue par les communautés, pour que les communautés traditionnelles puissent reconnaître votre travail. Autrement, elles ne le reconnaîtront jamais. Et donc, il faut un dialogue entre les différentes instances. Et c'est cela, si je peux m'exprimer ainsi, c'est cela l'espoir de l'islam de demain. Et c'est pareil pour le judaïsme, et c'est pareil pour les autres religions. Voilà. Encore une dernière question. La toute dernière. Ok. Attendez, on va essayer. Alors, pas de raison. Alors venez, voilà, levez-vous. Vous êtes jeune, levez-vous. Moi, je me pose une question. Sincèrement, je suis chrétien, je tiens à le dire. Quand on pose la question, tu es protestant, catholique, je réponds pas, parce que pour moi, je suis les commandements du Christ, et pas ceux d'une religion. Ensuite, je m'intéresse beaucoup à l'islam. Actuellement, j'ai lu le Coran, Malek Shabab, c'est une traduction. J'ai pas appris l'arabe, malheureusement, c'est un peu trop long, j'ai pas le temps. Voilà. Donc je pense que c'est bien d'être ouvert, mais est-ce qu'on ne veut pas faire taire les religieux et on ne veut pas amalgamer un religieux avec une sorte de fanatisme? Et est-ce qu'on n'a pas trop de préjugés sur les religieux dus à des personnes qui parlent faussement des religieux, parce qu'on peut avoir des images et des préjugés, et c'est pas forcément ça un fanatique, c'est pas forcément ça un religieux. Et au final, on fait une sorte de mélange. Au final, on pourrait dire, un musulman, c'est un musulman soft. On pourrait dire qu'il va peut-être de temps en temps à la mosquée, qu'il suit pas toutes les prescriptions coraniques. Ou ça peut être un salafiste, ça peut être un soufiste. Il y a pas mal de divisions. Et au final... Ouais, excusez-moi, je me suis perdu parce que j'ai plein de questions. Puis j'essaie de faire une sorte de mélange. Mais est-ce que de nos jours, on n'essaie pas de faire un syncrétisme laïque afin de se dire, en fait, il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu, et c'est pas forcément l'islam, c'est pas forcément le judaïsme, c'est pas forcément le christianisme, mais c'est par ces trois religions monothéistes qu'on peut arriver à Dieu. Une sorte de syncrétisme laïque. Alors, non, mais c'est complètement... c'est fou de se dire ça. Parce qu'on dit, il y a une religion qui prime sur les autres. Donc c'est complètement hypocrite de dire, c'est bien de s'intéresser aux autres religions, mais on ne peut pas se démarquer de la nôtre. De sa propre religion. Vous êtes né dans votre religion. Vous avez une sensibilité spirituelle qui vous a été léguée par vos parents et par vos maîtres. Vous devez la respecter parce que c'est votre regard. Pas forcément. Comment ? Pas forcément. Ça veut dire quoi ? C'est pas parce qu'on me délègue quelque chose, oui, alors... que je suis obligé de l'accepter, de me soumettre comme ça. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Ah non, mais je veux dire... Quand même. Si je serais né à l'époque communiste, on m'aurait dit, écoute, oublie la religion, et il faut que tu sois athée. Bon, dans les grosses lignes. Je serais peut-être là-dedans, mais peut-être que j'aurais un esprit. Ce que je veux essayer de dire, c'est qu'il faut respecter votre sensibilité. On est dans une religion, mais on se convertit à cette propre religion, parce qu'un jour c'était la religion de mon père, mais après ça devient ma religion. Et on peut se convertir aussi à une autre religion. Mais c'est votre sensibilité, votre sensibilité, vous devez la respecter. Parce que dans votre sensibilité vient, et c'est la différence avec les bouddhistes, vient du secret de votre subjectivité. Elle vient du fond de votre être. Et le fond de votre être, vous devez le respecter, parce que dans les religions monothéistes, on croit qu'il y a un secret de la subjectivité, que la subjectivité, c'est pas rien. Et à partir de là, on sort, c'est ce que je disais tout à l'heure, on sort du relativisme, mais on n'est pas dans un absolutisme, une vérité absolue qui doit s'imposer absolument. C'est ma sensibilité, et ma sensibilité, elle est liée à la transcendance, et ce lien à la transcendance, entre ma sensibilité et la transcendance, je dois le respecter infiniment, sans pour autant l'imposer aux autres. Merci, vous êtes un grand philosophe. Vous n'avez pas répondu à la question, mais c'est très bien. Il y avait tellement de questions dans votre question. À part ça, ce que j'aime bien, en tout cas, dans les trois religions, c'est que Dieu nous bénisse. Hein, voilà. Que Dieu nous bénisse. Voilà. C'est ça la réponse. C'est la réponse. C'est la réponse à la question. Voilà. Mais écoutez, on vous remercie vivement d'avoir suivi, participé et apparemment d'avoir trouvé de l'intérêt. Évidemment, ça reste très modeste. Il y a des milliers de choses qu'il faudrait reprendre et préciser. C'est aussi un peu le but. Et donc, merci spécialement à Madame Benkirane ce soir et au grand rabbin. Voilà, et à vous. À vous. Oui. Je ne peux pas me remercier moi-même, ça ne se fait pas. Voilà. Et en tout cas, vous serez mis au courant de la suite, puisqu'on a... Tu as déjà une idée, Marc ? Non, je n'ai pas encore. Voilà. Et voilà, vous recevrez... D'abord, je remercie le pasteur pour son éclairage et pour avoir animé le débat. Et à part cela, les personnes qui n'ont pas reçu d'invitation, qui ont pris simplement par où dire... peuvent, alors j'ai pas amené de mettre leur nom et leur email sur cette feuille. Si vous désirez, si vous avez reçu l'information à partir de la librairie L'Olivier et pas de la Fondation Racine et Sources, et que vous êtes intéressé à avoir des informations concernant nos activités, vous pouvez aussi mettre votre nom et votre email de façon claire pour que nous puissions vous renseigner. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Le Coran s'appelle le Coran chronologique par Samir Abou Saleh.